amis. Salut Alex. Bon, aujourd'hui, je veux qu'on soit optimal. Bah, comme d'habitude. Toujours, des fois, on est optimal, mais là, je veux qu'on soit optimal. On reçoit Philippe Labro, légende du journalisme. Ah, ouais. Oui, d'accord. Bah, oui, okay. Heureusement que Charlie n'est pas là, parce que Philippe Labro, il n'aurait pas laissé passer ses approximations. Mais, t'es gonflé, avec moi, ça va être carré. En plus, il connaît la radio, le mec, il a dirigé RTL. Ah, ben, on passerait pas des pubs toutes les 10 minutes, comme ça, il se sentira à l'aise. Arrête, on va choisir des bons sujets pour lui. Ah, ben, l'Amérique, c'est un passionné. Très bonne idée, ça, l'Amérique. Maybe I can read the interview in English because I speak very good. Ouais, non, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Non, il voulait faire l'interview en anglais. Yes. Ouh là là, surtout pas. Non, hein, on va pas faire ça. On peut lui parler de Johnny aussi. Pourquoi ? Oh, ma jolie Sarah. Ah non, non, moi c'est Nathalie. Non, mais je sais que c'est Nathalie. Non, c'est la chanson qu'il a écrite, ma jolie Sarah pour Johnny. Ah bah à ce moment-là, tu peux aussi lui parler de Lucchini. C'est lui qui l'a lancé dans son premier film. Philippe Labro, il est hallucinant. Il est né d'une partouze où il y avait Melville, Albert Londres, Marguerite Duras, Hubert Boeuf-Méry, Céline Lafontaine. Ça va, Nick. Ça va. Quoi oh, Labro, c'est D8 aussi. Hein. C'est la chaîne où il y aura la télé-réalité avec les gens à poil. Donc ça va. Je sais, je t'ai inscrit. Quoi ? Si, je voulais en parler à Philippe Labro pour qu'il fasse avancer le dossier. Non, mais attends, ça va pas la tête ou quoi ? C'est trop tard. Mais non, mais moi, je veux pas montrer mes femmes sur D8. C'est comme ça. Mais moi, je vais regarder. Mais regardez, vous êtes des malades ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ta seule chance d'éviter, c'est d'être très gentil avec Philippe Labro, comme moi. Philippe Labro, il est hallucinant. C'est vrai. Il est né d'une partouze où il y avait Balzac, Eisenstein, James Dean, Joseph Pulitzer. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, mais faudrait mettre une femme, sinon ça peut pas marcher. Jeanne d'Arc. Changer une partouze à Jeanne d'Arc. Et Nabila. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission qui fait de l'actualité comme Jackson Pollock peignait ses tableaux. Et voici les trois informations que nous allons dripper jusque 18h. Ça discute à l'Assemblée de la motion de censure qui ne devrait pas tomber. Hein. Les frondeurs sont têtus mais pas au point de censurer leur camp. Mais dans l'hémicycle, ça débat. Oh putain, vos gueules, sérieux ! Voilà. Barack Obama veut s'attaquer aux extrémistes sur leur terrain. La Syrie ? Non, l'Afghanistan, non, l'Irak, non, Internet. Fais partie d'Al-Qaïda ? Non, bien pire, fais partie de Facebook. En marge des Césars, Le Figaro propose un grand article sur les producteurs, ce métier fantasmé hein, dans la chaîne cinématographique. En tout cas, dans ce métier, l'important, c'est d'être crédible au premier coup de fil. Je suis producteur belge, sport. J'arrive de Belgique une fois. Votre maison de production, c'est quoi ? Les films du plat pays. Ça sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. C'est un peu comme chez nous. Une production jeune mais dynamique. Et autour de la table, un casting de rêve à 17h20. L'anti-jeune premier. Car s'il a sans doute été jeune, je ne soupçonne pas qu'il ait été un jour premier. En revanche, il met en scène comme personne l'actualisique. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? Eh bien aujourd'hui, une page actualisique à l'attention des quelques 100 personnes qui ont prévu d'embarquer pour la planète Mars en 2025. Et puis, il y a un Belge. À 17h30, le Godard de l'interview. Oula. En effet, plus ça va, moins on comprend son travail, mais plus on est persuadé que c'est un génie. C'est Guillaume Meurice. C'est déjà ça, bonjour Alex. De quoi on parle ? Alors moi aujourd'hui, j'ai enquêté sur la gauche qui devient de droite et la droite qui se prend pour la gauche et inversement. Bref, je suis complètement paumé. J'ai notamment appelé le PS pour qu'il m'explique. J'ai du mal à comprendre. Ah bah on n'est pas dans la merde. Et enfin à 17h40, t'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, c'est là que je me rends compte que soit Jean Gabin avait beaucoup de charisme, soit Michel Morgan était une femme beaucoup plus facile que Clara Dupont-Monod, que je salue. Mais que je salue également. De quoi va-t-on parler ? Eh bien, Robert Ménard a prévu de nouvelles affiches dans la ville de Béziers. Nous allons donc parler d'un livre qui s'appelle « Comment paraître intelligent ». C'est toujours utile dans cette émission. Intervenez par le répondeur 01 56 40 69 51 ou les réseaux sociaux, Twitter, hashtag annule tout ou Facebook, où nous n'avons que des amis. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un ami supplémentaire, un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Albert Lebrun. Vous... oui, c'est de temps en temps, ça, il faut se le rappeler. Vous devenez reporter à Europe 1 en 57, l'année de la première parution de Gaston Lagaffe. Vous commencez à écrire des chansons pour Johnny Hallyday en 70, l'année où Harakiri disparaît des kiosques. Vous devenez vice-président d'RTL en 92, l'année où Didier Barbolivien chante Les Mariés de Vendée. Mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes, je vous laisse le dire. Philippe Labro, oui, voilà, c'était en 84, RTL. Vos fiches ne sont pas tout à fait. Vice-président en 84 ? Ah, vice-président, oui. Vous voyez ? Non, j'ai commencé comme DG des programmes en 84. Mais bravo, vice-président en 92. J'ai rien dit. Ok, ça va, c'est bon. Sur France Inter, Alex Vizorek, si tu écoutes. J'annule tout. Nous ne sommes pas là pour mettre en cause la précision du journaliste que vous avez été, Philippe, mais pour parler... Que je demeure. Que vous demeurez, parce qu'on n'arrête jamais d'être journaliste. Est-ce qu'on arrête d'être cinéaste, Philippe? Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Bah, on peut arrêter, oui, ça, c'était mon cas. Oui. Oui, mais quand vous regardez un film, vous le regardez encore comme un cordonnier regarde une chaussure. Ah oui, oui, absolument. C'est un vrai problème, d'ailleurs. Si, parce que c'est là où on voit si le film vous prend vraiment, vous oubliez que vous savez que ça s'est arrêté, qu'on a fait trois prises, que le travelling est peut-être trop long. Tout ce qui fait qu'un technicien regarde un film autrement qu'un spectateur normal. Et si le film vous prend, vous redevenez spectateur. Et nous, c'est pareil. Quand on regarde Anne Romanoff, on n'y est plus. Non, on n'y est déjà pas avant, mais bon. Et comment le cinéaste que vous êtes et qui aviez fait de nombreux films, après ce premier film qui ressort, Tout peut arriver, qui sera sur D8 dimanche soir à 23h45. Alors regardez-le ou enregistrez-le 23h45 sur D8 dimanche soir. Comment vous l'avez revu, ce film, qui était votre premier? Vous savez, quand on revoit ce qu'on a fait, on ne voit que les erreurs, les faiblesses, les manques, les répétitions. En l'occurrence, dans ce film, un peu de remplissage. Les risques aussi que vous prenez dans ce film, oui. de réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont, voilà, qui sont cherchées, qui sont creusées. Vous utilisez tous les médias, la musique, vous utilisez les coupes très sèches et tout ça. Un montage qui repose au fond sur l'expérience que j'avais de 5 colonnes à l'une. Je sortais d'une longue année de documents, de reportages que j'avais fait pour 5 colonnes, et là-bas, le montage était très rythmé, et j'ai voulu imprimer ce rythme à ce qui est quand même un film de fiction, mais qui aussi du journalisme, c'est un carnet-note, ce film, d'une certaine manière. Avant de donner la parole, Clara, je voudrais juste raconter ce qui s'est passé dans le bureau. On travaillait sur votre film, elle est rentrée, Clara de Pomono, et elle m'a dit « J'ai adoré le film, c'est la première fois que j'aime un film de la Nouvelle Vague. » Et en fait, c'est pas de la Nouvelle Vague, en fait. Il date de 69, ce film. Oui. Est-ce que vous le qualifieriez de Nouvelle Vague? C'est déjà postérieur, quand même. Oui, mais il est influencé au moins par, d'abord, le narcissisme. Tous les premiers films Nouvelle Vague, en gros, on parle de soi. Et deuxièmement, par... Comme dans celui-ci, un petit peu, Philippe. Oui, ben, mais je sais, je non, le dis. Non, c'est une... C'est par la Nouvelle Vague aussi, quand même, regardait son époque. Hein, c'était quand même assez contemporain, qu'on le veuille ou non. Surtout Godard. Et puis, je crois qu'il y a quand même cette liberté de tournage, cette demi-improvisation que j'ai retenue d'eux. Mais c'est un peu plus travaillé. C'est un petit peu plus, non pas pro, c'est pas la question. Mais c'est pas tout à fait Nouvelle Vague, vous avez raison. Le héros s'appelle Philippe, ouais. Marlowe, donc ça, ouais. C'est clin d'œil au héros de Raymond Chandler. Ouais. Et à un moment, il dit cette phrase, il dit, ou quelqu'un dit de lui, il ne sait pas s'il est dur ou pas dur. Il blesse les gens sans le faire exprès. Ouais. Est-ce que là, on parle de Philippe Labro aussi? À cette époque-là, sans doute. Ouais. Et alors, on parle... J'avais une trentaine d'années et il est très possible que j'ai eu ce genre d'attitude. Parce que c'est vrai que c'est un film un peu confession, hein, d'une certaine manière. Mais j'ai voulu aussi raconter ce que ce garçon qui débarque des États-Unis ou du monde entier et qui ne connaît pas son pays, qu'il n'a pas vu depuis 2 ans, ce qu'il voit de son pays. La France de la fin des années 60, début 70. Et ben, c'est là où il y a le portrait d'un fuyard. Ouais. À un moment, Philippe Marlowe monte dans une voiture. Le monsieur qui conduit lui explique qu'il vient de quitter femme, enfant, métier, ouais. Et qu'il va faire uniquement rouler. Ouais. Il ne sait plus où aller. Ça, c'était la France des années 69-70. C'était l'idée de la rupture avec la vie rangée, avec la société de consommation. C'était l'après 68. Oui, Clara, mais en même temps, c'est un thème éternel. C'est l'homme qui dit « je descends acheter des cigarettes » et qui ne revient pas. Ça date pas simplement en 69. C'est l'homme qui ne supporte plus la routine, l'ennui, peut-être une femme avec qui ne s'entend plus, l'angoisse existentielle, qui ne sait pas où il va, et donc il part. Il part sur la route. Ça pourrait être une route américaine, ça peut être n'importe quelle route. Hein. C'est l'homme occidental aux prises, effectivement, fin des années 60, avec une inquiétude, une angoisse. Sorte de sur la route, mais à la française. Exactement. Avec Jean-Claude Bouillon, brillant dans ce double de Philippe Labro, Philippe Marlowe. Tout peut arriver. Creedence Clearwater Revival et le titre Proud Mary. Oh, hein, yeah. Elle est fière, Marie. C'est toujours le cours à 6000 d'anglais que je donne tous les jours à nos éditeurs, Philippe Labro. Oui, vous pouvez être consterné par mon accent. Et Philippe Labro, vous êtes avec nous pour le film Tout peut arriver, votre tout premier film qui sera diffusé pour la première fois en télévision sur D8, dimanche à 23h45 et autour de la table. Autour de la table, la pétillante Clara Dupont-Mono et le sémillant Thomas VDB, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Sémillant. Et ça sémille. Je sémille énormément. Et vous, Guillaume Meurice, que je garde pour la première revue de presse en duo. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par un message du ministère de la Santé. Oui, Alex, un plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Écoutons ce message d'un malade qui l'a contracté. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre. Ouais, pauvre homme qui ne se souvient pas non plus que son ennemi c'est le monde de la finance et qui a du mal également à se souvenir de qui est sa femme. C'est terrible. Envoyez vos dons directement à l'Élysée. Ouais, on continue avec Nicolas Sarkozy qui a déclaré chez nos confrères d'Europe 1 « Tout responsable UMP qui conclura un accord avec le Front National sera immédiatement exclu ». En revanche, rappelons que tout candidat UMP qui reprendra à son compte une partie du programme du FN sera promu. Rappelons également que tout candidat UMP qui ne sera pas Nicolas Sarkozy a des chances d'être élu en 2017. C'est vrai aussi. Et on poursuit avec Fleur Pellerin, alors qui s'est fermement opposée au projet d'Amazon, qui souhaitait mettre en place une offre de lecture illimitée. Oui, mais on ne sait pas encore ce qui l'a dérangé le plus, si c'est l'aspect illimité ou l'aspect lecture. Tant qu'on parle de Fleur Pellerin, Patrick Modiano recevait hier soir sa Légion d'honneur, et dans son discours, Hollande a évidemment rendu hommage à l'auteur, mais aussi un petit peu à sa ministre de la Culture. Patrick Modiano, vous êtes écrivain. Je dis à ceux qui n'auraient pas eu une connaissance jusqu'à présent de vos ouvrages. Sympa, pour ça. Quoi, il y a des choses dont il se souvient malgré tout. Et on termine avec une plainte déposée par l'Église catholique contre le site Glidden, qui est spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Ouais, les catholiques trouvent le concept choquant. L'adultère est un péché, rappelons-le. Mais rappelons quand même qu'ils ne sont pas opposés aux relations sexuelles en général. Non, soyons honnêtes. Hein, ils sont pour les relations sexuelles, sauf si l'enfant est déjà marié. Non, c'est pas beau. C'est pas... Vous n'êtes pas hein, sur le site Glidden, Clara. J'ai cherché votre profil et je ne vous y ai pas trouvé. Jusqu'à 18h, on est avec Philippe Labreau. Et attention, là, on va faire des boulettes d'actualité. Premier sujet, à peu près à la moitié de son mandat, François Hollande rencontre le désamour de partout. Alors, la loi Macron est passée grâce au 49-3. Et là, on discute de la motion de censure entre Hollande et sa majorité. Ce n'est plus le grand amour. Les matins se suivaient, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Qui va bien à l'actualité. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. On s'est aimé comme on se quitte. Est-ce qu'elle est bien écrite cette chanson d'amour, Boulevard Ollier? Non mais elle est belle hein. Elle est belle, mais est-ce qu'elle correspond donc à cette gauche qui croyait s'aimer et qui, quand il s'agit là de voter des lois qui tirent un peu vers la droite, ne s'aime plus trop? Alors voilà, que dit la chanson? On s'est aimé comme on se quitte. Voilà. Un, est-ce qu'ils se sont vraiment aimés? Deux, est-ce qu'ils se quittent vraiment? Alors, pas sûr. Sans doute pas. S'ils ne voteront pas la motion. Donc ils ne vont pas se quitter, le PS, ils vont... Voilà, donc pour que la motion soit votée, il faut 289 voix. Si on additionne les voix de l'UMP, de l'UDI, des quelques députés communistes et des deux du FN, ça devrait faire 240 voix. Donc on est loin de ça. Alors, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est juste parce que notre ami, comment il s'appelle, Christian Jacob a appelé à la dissolution. Lui, il s'est dit comme peut-être la motion ne passera pas, on va passer à autre chose. Les frondeurs veulent conserver leur siège. Des frondeurs de gauche. Oui, voilà. Donc ils voteront pas la motion. Et hier, on avait Louis Boson qui nous disait, moi, avec tout ce que j'ai vu politiquement, il n'y a plus rien qui me surprend. Est-ce que vous, Philippe Labreau, qui avez été encore plus près que lui du milieu politique... Comment il s'appelle mon film, Tout peut arriver. Alors, oui. On peut répondre, tout est arrivé. Et c'est ça, et donc l'histoire est un éternel recommencement. Non, c'est pas nouveau le 49-3, les enfants. Écoutez, il y en a eu beaucoup. Rocard, il en a fait combien? 28. Ben voilà, et Barre. Bon, on peut gouverner le 49-3, c'est dans la Constitution. Moi, je ne suis pas complètement contre. Hein. Mais qu'est-ce que vous inspire l'état du Parti Socialiste aujourd'hui? Il m'inspire un très lourd ennui. Ça m'accable. Et une forme de trahison ou pas? Est-ce que vous comprenez ceux électeurs de gauche qui disent on a été trahi? Guillaume Meurice rappelait tout à l'heure mon ennemi c'est la finance, etc. Est-ce que ça vous les comprenez? Oui, ils peuvent le considérer effectivement, mais ça veut dire qu'ils ont oublié. Ce sont des hommes politiques, ils ont oublié la première loi de la politique, c'est que on fait des promesses pour être élu. Deuxième loi, une fois qu'on est élu, on ne les tient pas. Pardon, est aussi cru. Ah oui, c'est assez clair. C'est pas très optimiste, mais ils le savent, ces hommes politiques. Non et après, pendant 5 ans, il y a toute cette mouvance. Alors, par exemple, notre ami Montebourg qui lui dit ah, mais non, c'est pas assez à gauche. Votre ami. Vous savez, à France Inter, on aime tout le monde. C'est l'ami de tout le monde, Alex. Moi aussi. Donc, quand on n'a pas des expressions comme ça, je me fie toujours l'autre ami. Notre frère Montebourg, donc. L'ami Montebourg, parce que c'était pas assez à gauche, quitte le gouvernement. Macron prend sa place, quitte un peu plus à droite. La loi Macron arrive et Montebourg il dit bah ouais c'était la mienne et alors les gens qui étaient les frondeurs qui étaient plutôt Montebourg se retrouvent pour finir à ne pas vouloir voter ce qui est la loi que lui il soutient, c'est pas clair quand même. Non, ce qui est clair à mon avis c'est qu'on est face à un problème générationnel et un problème de culture. Est-ce que il a quand même, moi Macron j'ai assez admiré son discours mardi à l'Assemblée quand il s'est défendu et qu'il a pointé du doigt ce qu'il appelle les conservateurs, ceux qui ne veulent pas que ça bouge ou que ça avance. Alors cette loi on va pas en discuter ici, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas la question, mais au moins ils essaient un peu d'avancer. Et Macron m'a convaincu, je l'ai trouvé formidable, courageux, persévérant. Il avait bossé, hein, cet homme, il ne faut pas croire. Et d'ailleurs, il n'était pas loin de croire, lui, qu'il pouvait avoir les voix nécessaires pour la loi. Ce n'est pas lui qui décide de faire le 49-3. Est-ce qu'au-delà de ces débats et de l'histoire de la loi Macron, pour vous, est pointé du doigt la difficulté de la France à lancer des réformes? Bien dans évidemment. La presse européenne, c'est ce qu'on lit partout. Bien évidemment. Bien évidemment. Et ça date pas de ce jour-là. Et puis la difficulté de faire des réformes, elle date de quand? Au moins 30 ans. Ça fait au moins 30 ans qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être faites. Elles ne le sont pas. Mais voilà. Qu'est-ce qui cloche alors avec la France? Qu'est-ce qui ne va pas? Sauvez-nous, Philippe Labro. Non, je ne peux pas vous sauver. Peur de la globalisation, peur de la mondialisation, peur de l'avenir, ancrage dans un passé qui a été assez glorieux, inquiétude, conservatisme, immobilisme. Et en même temps, on ne peut pas s'arrêter là, parce que par ailleurs, je parle des jeunes générations, elles arrivent, et il y a des mômes, j'appelle ça des mômes, qui veulent faire, qui font, qui inventent. Il y a un génie français, ce que les Américains appellent le soft power, le pouvoir du cerveau, le brain power, ça existe en France. Arrêtons aussi. Mais il est où alors? Il est incarné il par est quelle personne? Pas une personne en particulier. Il est incarné par une nouvelle génération qui, selon moi, mais il faudra peut-être 10 ans, finira par un peu renverser la table. Vous êtes positif sur les années à venir? J'essaye. Vous vous l'imposez ou c'est un feeling? I try to be. Très bien, c'est votre côté américain. Je vais donner la parole à votre voisin, notre ami Thomas VDB, le roi de la chronique, mais qui commence si bien par un jingle de qualité. Évidemment, Alex, puisque des actualités qui se chantent, des musiques à fredonner, c'est la page actualisique de Thomas VDB. Alors, Mars One, on le savait, c'est le nom de l'agence de voyage hollandaise qui s'est spécialisée dans le voyage pour aller sur la planète Mars. Oui. Ça a cartonné, il y a quand même eu 250 000 candidats au suicide, au départ. Et cette semaine, l'agence a donc donné la liste des 100 candidats qui ont donc été sélectionnés. Il y a un Français dedans et ils ont donc un billet de départ prévu en 2025. Alors, il faut quand même, je pense, être hyper précis pour savoir ce que tu auras vraiment envie de faire dans 10 ans. Hein, faut savoir, moi, dans la vie, quand j'ai un rendez-vous, 9 fois sur 10, je le décale ou je l'annule 24 heures avant. Hein, je sais pas comment les gars ils font pour être aussi sûrs qu'ils auront toujours envie d'aller sur Mars en 2025. Surtout, on imagine, c'est quand même un peu dangereux, hein, je pense qu'on peut dire ça. Le MIT, le Massachusetts Technology, a fait une étude et ils ont dit qu'une fois arrivés sur place, il serait impossible de survivre au-delà de 68 jours. Avant ça, il y a 7 mois de voyage pour y aller. 7 mois. Moi, dans un avion, après 4 heures de vol, je commence à insulter tout le monde dans la cabine tellement j'en ai marre. Alors, dans une navette spatiale, très vite, je serai là. Vas-y, les gars, j'en ai ras le cul, on ouvre la fenêtre, je fume une clope. J'en ai un peu marre. Et puis, attention, moi, faut savoir quand je vais voir ma famille en Touraine, je pars de chez moi, si j'arrive à Montparnasse je me rends compte que j'ai oublié un truc, je peux faire demi-tour, hein, là dans la navette, je pense arriver au niveau de la lune, tu peux pas dire au pilote on peut faire demi-tour, j'ai oublié mon chargeur d'iPhone, je pense que je peux pas faire ça, je pourrais pas écouter de musique, merde, voilà. Tu as intérêt à être hyper organisé. Alors malgré tout, puisque j'ai vocation à rendre compte de l'actualité musicale sur cette antenne, j'ai quand même préparé une petite page actualisique à l'attention de ces voyageurs de l'espace avec un agenda culturel un peu spécial, un agenda un peu spatial. C'est l'agenda des concerts de l'espace. Alors, il n'y a aucun concert de prévu sur Mars en 2025, pas davantage en 2026 et encore moins en 2027. Alors, si toutefois il y en a un qui s'organise d'ici là, évidemment, je serai le premier à vous en avertir. C'est un peu dommage, je trouve qu'aucun concert ne soit prévu là-bas au regard des nombreuses places de parking qu'il y a pour se garer, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai de toute façon que si on essaye, je pense, de regarder plus largement le panel des activités proposées là-bas, c'est très limité. Hein, je pense que quoi que tu aimes faire dans la ville, niveau activité là-bas, il n'y a pas. Hein, je pense que le gars, on pourrait peut-être aller à... Non. Non, on n'ira pas. Mais sinon, on pourrait aller dire peut-être bonjour à... Eh ben non, non plus. Et on pourrait aller se balader du côté... Eh bien, non plus. Hein, je pense qu'à la rigueur, avant qu'on faisait un voyage expérimental dans l'espace, d'abord, on envoyait des chiens ou des singes, hein, ce qui aurait au moins permis aux voyageurs de se dire « Eh, quand on arrive, on va au zoo !» Eh bien non, même pas. Hein, je pense que la seule chose qu'il y aura à faire, c'est peut-être d'aller se promener dans le vent et les cailloux. Eh ouais, je sais pas si vous imaginez la gueule des critiques sur TripAdvisor. Hein, je pense à ce compte-là. Autant aller passer une semaine en Picardie. Alors, je sais ce que vont me dire les gens. Oui, ils vont me dire, oui, mais attends, ce sont quand même des... On parle d'aventuriers des temps modernes. Hein, n'oublie pas que quand Neil Armstrong, il a arrêté la trompette pour aller sur la Lune, il est quand même rentré dans l'histoire avec sa phrase, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. D'accord, mais là, je ne sais pas ce que les gars, ils vont dire. Ils vont dire peut-être un Mars et ça repart. Non, je pense pas, les gars vont dire, c'est bon, on est arrivé sur Mars, on repart. Merci à tous. Quand vous parlez de votre Amérique à vous, c'est cette période-là, c'est cette période où l'Amérique, elle avait envie d'aller sur la Lune. Elle voulait, oui. C'est Kennedy alors, c'est le programme. Il est arrivé, mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, la conquête spatiale, c'est un truc qui vous palpite ? Oui et non. Enfin, c'est quand même la prolongation, effectivement, de ce qui a été dans les années 60, une vraie aventure. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. On en voit partir tous les trois mois. Ça se banalise, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une époque où on était littéralement accrochés à nos écrans pour les voir. Hein, les gens étaient devant leur télévision. Oui, est-ce qu'on regarde vraiment ça ? D'ailleurs, c'est beaucoup moins télévisé. Et pour nous, les Belges, c'était le même jour qu'il a marché sur la Lune et que Eddy Merckx remportait son premier Tour de France. Donc notre cœur a balancé et les journaux avaient coupé la une en deux. Raphaël Somnambule. Somnambulons pas en dormant. Somnambulons pas en dormant. Si jamais je m'endors avant. Si jamais je m'endors avant. Y a-t-il une vie le lendemain ? Est-ce qu'on somnambule les yeux grands ouverts. Et parfois quand je m'allonge par terre, je revois le centre de la terre. Je revois la maison de mon père. Y a-t-il une vie de lendemain? Est-ce qu'on reconnaîtra les siens? C'était le chanteur Raphaël. Et non pas Raphaël Somnambule. Et non pas Raphaël Somnambule. Raphaël qui a eu la bonne idée d'appeler cette chanson Somnambule. Il le cherche un petit peu peut-être. Je ne ferai pas de feinte à ce sujet. Et là, Philippe Labro, vous avez remporté votre premier concours de journaliste à 15 ans. Exact. Alors, je vous propose mon candidat. Il est un peu plus âgé parce que parfois, la valeur attend le nombre des années. Mais là, je pense qu'il est mûr. C'est Guillaume Meurice. Et tout à l'heure, Clara nous parlera du livre « Comment paraître intelligent ». Donc voilà, arrêtez-vous parce que moi, en tout cas, je pense que ça pourra me servir. Guillaume, c'est à vous. Bah écoutez, Alex, j'ai un problème. Je ne pige plus rien du tout. Je suis complètement paumé à cause de cette loi Macron. Certains à gauche trouvent le texte trop à droite. La droite juge ce texte de gauche finalement de droite, mais pas assez. Alors, est-ce que la gauche serait devenue la droite et inversement? Enfin bon, demandons par exemple à la Fédération UMP des Bouches-du-Rhône ce qu'ils pensent des socialistes. Il y a des gens qui sont très bien hein, chez eux, que j'aime beaucoup et que j'apprécie, notamment M. Dumas, qui est un homme... Vous parlez de Roland Dumas? Roland Dumas, oui, très bien. Ah oui, alors là, c'est encore pire. Elle aime un mec soi-disant de gauche qui tient des discours pétainistes. Paumé, je suis complètement paumé. Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai appelé le président du Conseil général du Morbihan, François Goulard. Qu'est-ce qu'il pense de la loi Macron? C'est pas une révolution, on peut pas... Mais attendez, ça veut dire que vous souhaitez une révolution? Des mesures énergiques, oui. Non, parce que vous venez de dire révolution, ça c'est plutôt un terme de gauche. Voyez, on comprend plus trop. Hein. Non, j'ai dit ça n'est pas une révolution, parce que c'est une expression. Oui. C'est-à-dire que vous souhaitez une révolution, on ne sait pas? Non, c'est pas le mot, parce que c'est vrai qu'il est très connoté. Mais des mesures énergiques, oui. Vous n'êtes pas le Che Guevara de l'UMP? Non. Vous êtes plus le Red Bull de l'UMP. C'est la boisson énergisante, c'est ça. Oui. C'est très bien, oui. Et voilà, j'aide l'UMP à trouver des slogans. Vous voyez, Clara, hein, je ne suis pas un dangereux gauchiste. Vous pouvez arrêter de vous agripper à votre sac à main Chanel. En plus, vous allez abîmer votre carte du MEDEF et votre photo dédicacée de Serge Dassault. Ça serait quand même dommage. En plus, je suis tolérant, Clara, et je suis persévérant. J'ai appelé le camp d'en face, en la personne de Jean-Pierre Nadal, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans le Var. Bon, est-ce que vous pensez que les gens qui sont à droite de la gauche sont plus à droite que les gens qui sont à gauche de la droite? Il n'y a pas de gens de droite au Parti Socialiste, il y a des gens qui ont des positions divergentes au niveau économique, mais l'objectif c'est le même pour tous. Hein. Ouais, mais il y en a qui sont à droite de la gauche. À droite de la gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, à droite de la gauche. Ah, par exemple, il y a des gens de gauche de la gauche qui considèrent qu'Emmanuel Macron, il est à droite de la gauche. Alors qu'il y a des gens de l'UMP qui pensent qu'il est plutôt à gauche de la droite. J'ai du mal à comprendre. Alors attendez, si vous ne comprenez pas, qui va comprendre? Ah oui, mais je comprends bien. Mais écoutez-moi, en tant que membre du Parti Socialiste, j'ai du mal à comprendre. Bah là, on est foutu. Est foutu, moi je vous le dis. Bon, il ne comprend rien non plus, mais il est favorable à l'utilisation du 49.3, Jean-Pierre. C'est un mec qui aime passer en force. D'ailleurs... Est-ce que vous utilisez le 49.3 chez vous, par exemple, en famille? Ah, est-ce que j'utilise le 49.3 en famille? Ça m'arrive. En disant, si on va pas au même, les vacances, c'est à tel endroit, et si on n'y va pas, vous allez sans moi. Ah, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est... Je suis un autoritariste. Vous êtes plutôt à droite de la gauche. Non. Alors, j'ai toujours rien pigé. Bon, il y a un parti qui se propose de faire la synthèse entre la droite et la gauche, bien évidemment, le MoDem. Alors, je voulais contacter son président, Monsieur Bayrou, mais dans le Sahara, le téléphone ne capte pas. Hein. Je vous rappelle qu'il est en pleine traversée du désert, François. J'ai donc appelé un de ses lieutenants, Jean-Marie Beaupuis, membre du bureau exécutif national. Quand il y a des choses qui sont bien, on les vote. Et quand il y a des choses qui ne sont pas bien, on ne les vote pas. Donc vous êtes un peu des deux. Vous êtes un peu de gauche, un peu de droite. Enfin, comme on dit, le fameux adage, il y a plus de choses dans deux têtes que dans une. Dans la mesure où quelqu'un a... Alors ça dépend des têtes, hein. Non. Ah, si. Hein. Il y a plus de choses dans la tête d'une mitre analphabète supportrice du PSG que dans celle de Marion Maréchal Le Pen et Frigide Barjot réunies. Hein. Donc, 1+1, ça ne fait pas toujours 2, pour citer Jean-Claude Van Damme, un autre intellectuel notoire. Et en plus, l'idée de choisir des gens de gauche et de droite dans un même gouvernement a déjà été testée. Nicolas Sarkozy, il avait fait un gouvernement d'ouverture avec des gens de gauche et des gens de droite. Ça n'a pas franchement marché. Non, parce que c'est du dépochage individuel. Qui, malgré l'intérêt et les compétences des personnes comme un Kouchner et d'autres... Ah ben voyez, il a fait un gouvernement, selon vous, avec des gens compétents. Non, absolument. De gauche et de droite, et ça a quand même pas marché. Est-ce à dire que vous voudriez faire un gouvernement avec des gens incompétents pour voir si ça marche? Non, surtout pas. Non, bon, tant mieux, parce que ça serait un peu un plagiat du gouvernement actuel. Jean-Marie Beaupuis reste tout de même persuadé qu'il n'a pas la même démarche que celle qu'avait eue Sarkozy. Je lui ai posé une dernière question. Mais en quoi vous avez un autre discours, vous, aujourd'hui? Ah ben c'est au niveau notamment de la méthode pour parvenir à quelque chose qui soit représentatif de l'intérêt général. Oula, alors attendez, parce que cette phrase, est-ce qu'on est sûr qu'elle veut dire quelque chose? Oui, mais alors on ne sait pas exactement quoi. Enfin, on est quand même certain d'une chose dans cette ridicule dyslexie républicaine, c'est la place du parti qui va malheureusement en profiter à droite, bien à droite, à l'extrême droite. Merci Guillaume Meurice, moi je suis fier de mon candidat, Philippe Lavreau. Oui. Il est bien ? Il est remarquable. Cette nouvelle façon de faire du journalisme qui marche un petit peu sur les codes. Alors ici, Guillaume vient de l'humour pour en faire du journalisme, mais il y a aussi d'autres... Ah, il a quand même fait du journalisme, il a appelé des... Vous avez appelé, c'est pas bidon, les gens vous avez appelé. Ah non, c'est pas bidon, après moi je ne prétends pas faire du journalisme. Ils sont des représentants mais pays. Oui. Donc il a fait du journalisme. Et vous trouvez que cette évolution est positive ? Le directeur de radio que vous avez été, l'observateur des médias. C'est utilisable, on peut s'en servir de temps en temps. Bon, eh bien, Maurice, on vous garde. Très bien. Sur les vifs conseils de Philippe Labreau. Deuxième sujet, Barack Obama veut s'attaquer à discréditer les extrémistes sur leur terrain, les réseaux sociaux. Il ne veut pas qu'on puisse se sentir en insécurité dans le pays de l'oncle Sam. New York est devenue une ville terrifiante, à tel point que je ne sors plus de Kennedy Airport. J'y donne mes rendez-vous, j'y discute mes affaires et je reprends l'avion. Ah bon ? Mais la violence est partout dans New York. Un meurtre toutes les 20 secondes. 112 agressions, 14 attaques à main armée la minute. Les Noirs, tous des drogués. Et la drogue, ça coûte très cher. Alors pour l'acheter, il faut prendre l'argent où il est. Mais moi je reste que quelques heures. Il suffit de quelques secondes pour se faire assassiner. La seule chance de survie ici, c'est la course à pied. Si quelqu'un vous court après, il faut pouvoir courir plus vite que lui. C'est pour ça qu'ils font tous du jogging. Ah oui. Voilà, pour moi, New York, c'est un grand noir. Avec un grand couteau qui vous court après. C'est tout. Vous savez, hein, ça. Je vais vous le dire. Banzai, Coluche, Jean-Marie Prolier. Ah ouais. En duo avec Patrick Juvet. I love America. Donc Obama trouve que c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut aller faire la lutte aux extrémismes. Obama, qui sur les réseaux sociaux est un grand spécialiste, il est beaucoup plus légitime. Alors il y a quelques semaines, on s'en était un petit peu moqué ici, il y a eu une campagne du gouvernement français aussi sur les réseaux sociaux et on s'était dit, tiens, si les extrémistes potentiels voient ça, c'est sûr, bah, ils se disent, ah bah oui, on va arrêter le djihadisme. Est-ce que la com' d'Obama par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'il est plus légitime d'aller faire le combat là, lui ? Il faut le faire partout. Hein. Il n'a pas tort, mais il faut que ça soit efficace et habile. Et vous venez de signaler des éléments qui, en France, n'étaient ni efficaces ni habiles. Mais il n'a pas complètement tort non plus. Ça se passe partout, cette affaire. Mais ce n'est pas simplement les réseaux sociaux. Il faut peut-être aussi commencer beaucoup plus concrètement dans les écoles et dans les familles. C'est ce qu'il disait, et il disait qu'effectivement c'était les gens les plus, faibles. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont constaté, John Kerry a raconté cette anecdote, que l'an dernier, deux jeunes hommes ont quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre Daesh, et leur dernière commande de livre, c'était l'islam pour les nuls et le Coran pour les nuls sur Amazon, donc c'est pas du tout l'envie religieuse, mais le côté, bah, c'est là qu'on va aller sauver le monde, on sera plus utile là-bas parce qu'on nous aime pas ici. C'est assez nul. Cela dit... Barack Obama se refuse à parler d'extrémisme islamiste. Vous avez raison, oui. Il ne veut pas le dire. Non, non. Pourquoi, à votre avis ? Parce que je pense qu'il ne veut pas se mettre à dos son monde musulman à lui, et qui, aux États-Unis, n'est pas aussi extrémiste et aussi communautaire que le nôtre. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres, d'abord. Je pense que, quand même, il ne faut pas oublier son discours. Il y tient beaucoup au Caire, il y a quelques années, hein, qui lui a valu un prix Nobel de la paix beaucoup trop prématuré. Et je crois qu'il réfléchit à l'idée qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, parce qu'en Amérique, encore plus qu'ici, le mot a une puissance inouïe. Et il ne veut pas effectivement l'utiliser. C'est une politique qui lui est très reprochée d'ailleurs par les Républicains. Hein. Parce qu'après tout, on lui dit, mais vous n'appelez pas un chat un chat. Alors, il appelle un chat un matou. Si je voulais parler d'Obama avec vous, c'est parce que vous êtes un grand connaisseur des États-Unis. Alors, dans le monde entier... Très prudent, hein. Il est très prudent. Non, foutez de ma question. Non, mais j'allais un peu plus loin. J'allais dire, dans le monde entier, Obama est vu comme le président apprécié par le monde extérieur. Mais est-ce que là-bas, où il est un petit peu quand même colosse au pied d'argile en ce moment, est-ce que ce n'est pas le président que nous, on aime bien voir président des États-Unis, mais que les Américains moins ? Qu'on a bien aimé voir, mais on peut-être aujourd'hui, même en Europe, surtout en Europe, hein, regardez comment la manière dont François Hollande parle de lui, jamais péjorativement, mais enfin, par exemple, il n'arrête pas, enfin, au moins deux ou trois fois, de parler du fait qu'Obama n'a pas voulu aller frapper en Syrie, avec la France qui était à ses côtés et d'autres. Donc attention, il a été, il demeure l'homme le premier noir à la Maison Blanche, donc pour nous, pour l'Europe et le monde entier, c'est une révolution, là, en ce sens. Et néanmoins, en matière de politique internationale, de nombreux Européens considère qu'il est un peu mou du genou en ce moment, qu'il est très prudent, qu'il fait très attention. Et en même temps complètement échaudé par l'expérience de son prédécesseur. Bien évidemment. Et il ne veut pas, c'est sa première, la règle fondamentale de la politique internationale d'Obama, c'est on ne remettra pas, comme il dit, des boots on the soil, on the ground, des bottes de soldats au sol. Donc il a retiré les troupes d'Afghanistan et d'Irak, il ne veut pas les remettre ailleurs. Or en ce moment, et on le sait bien, se pose la question de l'éventuelle intervention militaire au sol, pas seulement des Américains, mais de toute une alliance face à l'État islamiste. Donc il n'est plus aussi unanimement respecté et admiré, ce qui est normal. Ça, c'est la rançon du pouvoir. Vous arrivez tout auréolé, et puis ensuite, il y a la réalité des événements. Vous qui avez connu beaucoup de présidents américains, à vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous inspire ? Il vous plaît ? Il vous touche ? Mais il est évidemment passionnant, il est intelligent, il se tient bien, il sait de quoi il parle, il travaille, il s'entoure de façon trop, comment dirais-je, autiste, c'est toujours les mêmes. Il les a pris à Chicago et il n'écoute pas assez les autres. Je pense qu'il lui manque un ou deux très grands seniors, comme on dit, qui auraient pu le conseiller, comme Howard Baker conseillait le père Bush, pas le jeune Bush. Et il a des lacunes, il est un petit peu hautain, malgré son apparence très sympathique. Il est un peu serré. Hein. Il n'est pas aussi merveilleux qu'on le croyait, mais c'est normal. C'est un homme. On se rend compte. Ça fait 8 ans maintenant, hein. Ça fera 8 ans. Il aura fait 2 mandats. N'oubliez pas quand même qu'il est réélu, hein. Et pas n'importe comment. Donc il y a quand même une raison. Les gens ont perçu ce que j'essaie de percevoir aussi, les Américains, qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait de la qualité et qui était quand même peut-être beaucoup mieux que le candidat d'en face. Il y a ça aussi. Merci. En tout cas, Philippe Labro, notre consultant aux États-Unis. Clara Dupont-Moretti, c'est à vous de relier l'actualité à un livre. En parlant de consultant. Particulièrement. Mais oui, puisque Alex, l'actualité, c'est aussi la récidive de Robert Ménard, donc maire de Béziers. Ce fan de l'inspecteur Harry, visiblement, vient de dégainer une nouvelle série d'affiches, alors qu'il montre un pistolet, toujours en référence à l'ancienne campagne, mais cette fois avec un cœur et avec un chiffre. 72% des sondés par RMC et M6 ont voté pour l'affiche sur notre police municipale. Voilà le texte qui s'affiche, donc qui est exhibé avec le cœur et un bout du pistolet. Alors, petite précision du site Le Huffington Post, il ne s'agit pas d'un sondage, ces fameux 72%, mais d'une consultation réalisée par des médias, donc évidemment la valeur représentative n'est pas du tout la même. Mais bon, ça, Robert Ménard, ça n'a aucune importance. De toute façon, le résultat est le même. Robert Ménard a sombré dans le ridicule et cela me peine. Mais oui, parce que j'ai un cœur, oui, Alex Vizorek, figurez-vous, oui, et mon cœur se serre face à la déplorable image renvoyée par Robert Ménard. Heureusement, un livre vient le sortir, le tirer d'affaire. Ce livre s'appelle « Comment paraître intelligent ?» Sous-titre « Petit... » Je vous assure, c'est vraiment le titre. Sous-titre, petit bréviaire destiné à ceux qui ne le sont pas, écrit par quelqu'un qui aurait besoin de le lire. En plus, il y a pas mal d'autodérision. Et alors, Robert, vous allez être content parce que l'auteur porte le même nom que vous, Ménard. L'auteur s'appelle Pierre Ménard. Et donc, il est paru au Cherche Midi. Et Pierre Ménard écrit, je cite, « Un homme intelligent peut se permettre d'avoir l'air sot. Personne ne songerait à tirer l'oreille d'Einstein parce qu'il tirait la langue. » En revanche, un idiot ne peut pas s'autoriser à afficher son faible QI sans mettre en péril sa carrière professionnelle. Fin de citation. Voilà pourquoi, inspecteur Robert, il faut travailler votre langage. Par exemple, pour avoir l'air intelligent, il faut employer des mots savants que personne ne comprend. Le livre en donne une liste très claire. Donc, Robert Ménard, dites « Les aphorins sont des créatures latitantes mais affaitables ». Voilà, silence perplexe. Eh bien, ça veut dire les étrangers se cachent, mais on peut les apprivoiser. Et le premier a quand même plus d'allure. Aphorin. Je sais, mais oui, aphorin, ça veut dire étranger. Et latitante, ça veut dire qui se cache. Et affaitable, ça veut dire qu'on peut apprivoiser. Je signale à Nicolas Sarkozy, fan de cette émission, que Arrière Kakoshim a plus de gueule que Casse-toi pauvre con, nous sommes tous d'accord. On le voit, ce bréviaire servira donc à la classe politique en général. Alors, commissaire Robert Ménard, je vous rassure, pour ce qui est d'écrire ces mots, on peut faire des fautes d'orthographe, ce n'est pas grave. Pierre Ménard rappelle que Napoléon mettait un H au début d'allumette, ça déstressera tout le monde, et que Gabriel Garcia Marquez rendait toujours ses manuscrits truffés de fautes d'orthographe, prix Nobel de littérature quand même, donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Par contre, colonel Robert, dans les dîners, les déjeuners au conseil général ou les entretiens avec les inspecteurs du fisc, étudiez bien ce que vous allez dire. Ne lancez pas un sujet trop compliqué, comme le suicide de Dieu ou Tintin est-il raciste ? Non, non, ne prenez pas ces sujets-là, c'est trop casse-figure. Privilégiez les anecdotes, ça marche toujours. Pierre Ménard en livre quelques-unes, pour avoir l'air intelligent. Dites que Berlin compte deux cimetières pour chiens, un catholique et un protestant. Il se trouve que c'est véridique, les inspecteurs du fisc vont adorer. Mentionnez qu'en Alabama, il est interdit de jouer au domino le dimanche, tandis que Chicago interdit la pêche en pyjama. Alors il s'agit de lois obsolètes et qui ne sont évidemment pas mises en pratique, mais enfin, en tout cas, elles existent quand même. Et ça, les inspecteurs du fisc vont adorer. Vous n'avez jamais joué au domino Non, le dimanche ? Oui. Non, je joue les dominos uniquement c'est du lundi au vendredi. Vous portez des pyjamas, Pierre de Pont-Monod ? Oui, mais ils sont transparents. Je peux continuer ? Oui, je vends comme chez vous. Alors, Pierre Ménard, bien sûr, Robert Ménard, vous me perturbez, assortissez vos propos, bien sûr, d'un regard en coin et d'un petit sourire. Votre interlocuteur appréciera. Alors, règle d'or, il ne faut pas craindre l'illusion, pousser le bouchon de la duperie très loin. Pierre Ménard rappelle cette histoire. En 1910, à Paris, au Salon des Indépendants, un tableau attire tous les critiques. Il y a foule devant un tableau. Ce tableau s'appelle « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Il est signé d'un certain Joachim Raphaël Boronali, peintre génois. Personne ne sait qui c'est. Et le tableau, je cite, est un magma de couleur criarde, présenté comme une illustration du mouvement excessiviste. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, ça a son succès. Et Boronali entre dans le dictionnaire des peintres, la croûte étant censée. Peu de temps après, vent de panique dans le monde des arts, puisqu'on découvre que l'auteur de cette toile, c'est un âne, un vrai. En fait, l'humoriste Roland Dorgelès a accroché un pinceau à la queue de son âne qui s'appelle Lolo et il lui donnait exprès ses légumes préférés et l'âne bougeait plus fort sa queue, ce qui fait que ça a peint le tableau qui s'appelle quand même « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique », c'est quand même un titre extraordinaire. Allez, je vous donne les références, Robert Ménard, et surtout pour nos éditeurs aussi, « Comment paraître intelligent » de Pierre Ménard, paru au Cherche Midi. Merci beaucoup Clara, nous sommes avec Philippe Labro et on parlera producteur, notamment le producteur de son film « Tout peut arriver » qui ressort à la télévision dimanche soir à 23h45, mais avant, un peu de musique. You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up? Put the witching up. Oh. Down a book, turn on the TV. It's 2 a.m, there's nothing on. I just need something to focus on. Oh, oh, oh, oh. Things are going to slide out of control. I hope that you come back. Sleep. When I close my eyes, the thought of you denies me the rest and repair that I need. The longer you are far from me, the more I drift away. I didn't see the warning signs, I was falling through the cracks. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm Drake's Open Book, livre ouvert, bien entendu. Nous sommes avec Philippe Labro. Et le troisième sujet, on l'a choisi un peu pour vous. On va parler cinéma. Et donc, avant toute chose, je voudrais remercier Claude Berry. Pas le cinéaste, le producteur. Car oui, producteur, c'est un peu l'entrepreneur d'un film. Mais son look a changé. Les lunettes noires et les cigares ont fait place au basket et au scooter. Cela dit, qu'importe le flacon de l'argentier, tant qu'on a l'ivresse du cinéma. Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sens qui je suis ! Je suis cinéma ! Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma ! Benoît Poulevaux ! Cinéma ! C'est arrivé près de chez vous. Chante Michel Morgan. Scène mythique, c'est arrivé près de chez vous. Alors on va parler des producteurs, Philippe Labro. Et en voyant votre film, hier soir je me suis dit, tiens, est-ce qu'aujourd'hui on produirait encore un film comme celui-là? Et ce serait bien dommage que vous me répondiez non. Écoute, j'ai aucune idée, hein. Je ne peux pas savoir. Comment vous êtes arrivé avec votre scénario, votre casting? Non, ça s'est passé de façon très simple. Maggie Baudard, qui était la grande productrice de l'époque, elle a produit Les Parapluies de Cherbourg, entre autres, mais elle a produit aussi Romer, Rivette, Daniel Valcroz, des tas de gens de la Nouvelle Vague. Très grande productrice. Elle avait gagné beaucoup d'argent avec Les Parapluies de Cherbourg. Et elle m'appelle après avoir vu un petit court-métrage que j'avais fait, qu'elle avait trouvé plutôt très bien. Elle me dit, je crois que vous êtes fait pour faire un long métrage, venez me voir. J'arrive. Elle me dit, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent et je peux financer pour pas cher un premier film d'auteur. Est-ce que vous avez un sujet? Le rêve de n'importe quel cinéaste, oui. Philippe Labro. Surtout que moi, je n'en avais pas, mais je lui dis, bien sûr, j'en ai un. Et donc, on a fait affaire, et en 3 semaines, j'ai écrit Tout peut arriver, ce qui prouve, quand on le revoit, et on le verra effectivement sur D8 dimanche soir, 23h45, merci la promo, il est un peu maigre, l'intrigue est un peu masse, mais elle m'a donné, effectivement, pour répondre aux questions, justement, elle laisse toute la place, liberté et toute chance. Exactement, ouais. Oui. Alors, est-ce que les producteurs sont des artistes? Parce qu'il y a cette grande histoire à la MGM, où Eric von Ström réalise Les Rapaces, ouais. Le film fait 9h, alors Thalberg lui dit, le producteur lui dit, écoute, c'est gentil, raccourci, il fait, oui, t'as raison. Il revient avec 5 heures de film. Thalberg lui dit, écoute, je vais le faire moi-même. Ouais. Il en fait 2 heures. Le film aujourd'hui est culte. Von Ström est fou furieux parce que c'est son film, c'était 9 heures. Ouais. Mais Thalberg était aussi un artiste. Le producteur, c'est aussi la petite chose en plus. Il y a des grands producteurs, bien sûr. Parce que dans l'article du Figaro, on dit, la France est le seul pays au monde où le cinéaste a le final cut. Oui, c'est le droit du dernier montage. Alors qu'à Hollywood, c'est la production sur les studios qui ont le droit de dire, écoutez, on ne va pas terminer comme ça, ça se termine trop mal, on va faire une autre fin. C'est l'exception culturelle française qui ah, fait oui, ça. Oui, non, c'est remarquable de voir ça. Hein. Tous les metteurs en scène au cinéma français le savent, et les étrangers aussi. Il y a une liberté de l'auteur. C'est quand même l'auteur qui prime. C'est pas pour ça que le producteur, qui est aussi un créatif, c'est pas simplement quelqu'un qui trouve de l'argent. Parce qu'on dit qu'ils ont fait et HEC et la FEMI. C'est souvent des passionnés de cinéma qui se sont retrouvés dans des écoles de commerce. Ils ont fait, oui, des écoles de commerce, que vous voulez tout, mais ils ont surtout aimé les films. Ils en ont vu toute leur vie, toute leur jeunesse, et ils ont eu envie de faire des films. Et c'est le désir qui prime, d'abord. Donc les producteurs sont aussi des amoureux du cinéma. Mais évidemment, évidemment. Et ils prennent des risques. Parce qu'on ne gagne pas à tous les coups au cinéma. Et si un producteur dit, Philippe Labro, venez, vous n'avez pas de sujet, mais j'ai beaucoup d'argent, est-ce que vous me faites un film? Vous allez lui dire comme la dernière fois? Non, j'ai d'autres sujets en ce moment. Guillaume Meurice, je vous réquisitionne pour la dernière revue de presse à deux voix. Oui. What do you want? The yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets? Again the no. Et on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui a participé à l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. C'était hier soir sur France 3. Rappelons aussi qu'il avait donné une interview il y a peu de temps dans Closer. Et oui, c'était il y a quelques semaines. Alors quelle sera la prochaine étape? Certainement Jean-Luc Mélenchon dans Les Anges de la télé-réalité. Non mais vas-y quoi Jean-Luc, pourquoi t'as piqué mon shampoing? Ce n'est pas ton shampoing, ce n'est pas ta propriété, la propriété c'est le vol. Vas-y, c'est bon quoi. Allô quoi, t'es pris pour qui? On n'est pas là pour faire de la philatélie. De la philosophie, camarade. Eh, vas-y quoi, t'es camarade, et ça va quoi. Allô quoi, t'es créé en classe? Ah oui, en lutte des classes, camarade. C'est bon, Jean-Luc quoi, t'es un bolos quoi. Laisse-moi me préparer quoi. Vas-y, Jean-Luc avec Michael. Ce soir, c'est le grand soir. Bah grave, c'est le grand soir. Je suis même pas prête. Aide-moi, bolos de Jean-Luc. Mais je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper du front de gauche. Bah donne-moi au moins du botox quoi. Y a mérite. Je n'ai pas de botox. Mais t'occupes du front de chez Paki, t'as pas de botox, mais allô quoi. Et je te préviens que si tu n'arrêtes pas immédiatement de dire allô, je nationalise les télécoms. T'as aucun swag, swag, swag. Merci Jean-Luc et merci Guillaume Meurice de m'avoir donné ce rôle, le rôle de ma vie. Merci à tous, on était avec Philippe Labro. Merci Philippe d'être venu. Alors on vous retrouve sur cette antenne tous les mercredis. Oui. Avec Nagui dans la bande originale de 11h à 12h30 avec Chris Esquer dans la dernière demi-heure. Mais c'est le cinéaste qu'on recevait pour Tout peut arriver, votre tout premier film qui n'est jamais passé en télévision, qui a la chance longtemps après, ça doit être beau comme ça de voir votre enfant, ouais, agréable, qui est encore bébé, mais pour une fois il était à la télé longtemps après, 23h45. Et vous me disiez que peut-être une ressortie en salle, et ça serait évidemment. Pourquoi pas, je crois que c'est le genre de film qui est vraiment agréable à voir en salle. Si, parce qu'en salle, c'est quand même autre chose. Ah, même si dimanche soir, restez devant votre télévision, allez surtout voir les films en salle. Merci à vous, Guillaume Meurice, Clara Dupont-Monod, Thomas VDB. Alors demain, vous m'abandonnez tous, mais et moi, je serai là avec l'auditeur. Je serai là avec l'auditeur et on aura choisi des meilleurs moments. Je vais venir tôt demain matin pour en trouver. Mais moins pire. Je vous promets qu'il y en aura. Et nous allons nous quitter avec... parce que parfois on s'énerve. Oh putain, vos gueules, sérieux!